deuxième temps de notre série dans la Fabrique de l'Histoire consacrée aux frontières et à leur histoire. Aujourd'hui, le documentaire. Après avoir écouté hier Léonard Dauphan, auteur de Géographie au pluriel chez Champvallon, dans lequel il s'interroge sur ce que savaient les Français du territoire français au Moyen-Âge, et avant demain de remonter plus avant dans le temps et de nous demander ce qu'étaient les frontières des langues entre 8e et 11e siècle en Europe, nous vous proposons ce matin, alors que le Grand Paris nous est promis, de réfléchir à la façon dont un quartier de Paris, et même une rue, la rue Raynouard, a rejoint progressivement la capitale en se transformant entre 18e et 21e siècle. Frontière d'une ville, quand Passy rejoint Paris, une réalisation d'Anne Fleury jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire, avec les analyses de Florence Bourillon, Maurice Garden, Éric Cazan, Antoine Lilti, Jean-Luc Pinol, Simon Texier et Yves Gagneux. Au 5 de la rue Basse, Audier, propriétaire. Au 6, Madame Boudou, institution. 10, Le Fébure, chef à la préfecture de la Seine. Si vous voulez, quand on se promène rue de l'Annonciation ou rue de Passy, on voit des vitrines et des vitrines qui changent progressivement. Quand on se promène rue Raynouard, on ne voit que des numéros et on voit des transformations très difficiles à saisir. Nous sommes au cœur de l'ancienne commune, ville de Passy ou village. Cette petite commune de l'ouest de Paris qui a grandi au 19e siècle, elle avait 2000 habitants vers 1800, elle en a 20 000 au moment de son rattachement à Paris en 1860. Donc une augmentation très caractéristique de l'ouest parisien à ce moment-là. Et c'était une petite ville pleine d'activités, pleine d'animation et autres, et qui en plus était devenue une paroisse avec l'église Notre-Dame-de-Grâce de l'Annonciation, qui est le cœur d'un quartier catholique extrêmement prégnant encore aujourd'hui, avec non seulement l'église, mais aussi les établissements d'enseignement privé, le lycée Saint-Jean-de-Passy, qui est le plus gros établissement catholique de Paris, avec encore plus de 3000 élèves aujourd'hui. Frontière d'une ville, et Passy rejoint Paris. Un documentaire d'Emmanuel Laurentin et Anne Fleury. Descendre la rue Raynouard dans le 16e arrondissement de Paris, c'est aujourd'hui descendre une rue ordinaire des beaux quartiers de l'ouest parisien. Il y a là quelques points forts, comme la maison de Balzac, vestige d'un premier 19e siècle entièrement disparu, ou l'immeuble construit par le père de l'architecture de béton, Auguste Perret, pour abriter son agence dans les années 1930. Mais ce qui frappe surtout, c'est le gabarit de ces immeubles bourgeois post-haussmanniens qui font de cette rue un véritable couloir urbain. Or, quand il y a deux siècles, Passy n'était qu'un village limitrophe de la capitale, cette rue s'appelait la rue Basse, et on y bénéficiait d'un point de vue rare sur la Seine qui coulait en contrebas. Antoine Lilti. Passy, c'est l'exemple typique, mais on a juste à côté, on a Auteuil qui fonctionne un peu de la même manière. Ce sont des villages, c'est 1500, 2000 habitants tout au plus au XVIIIe siècle, mais en même temps qui sont suffisamment proches de Paris pour être totalement en réalité insérés au réseau de sociabilité, de mondanité parisienne. D'abord, Passy, il y a la présence des châteaux, le château de la Muette, qui est une résidence royale en hauteur, et puis le château de Passy, dit aussi de Boulainvilliers, qui a été habité dans les années 1750-60 par un fermier général qui était la Poplinière, qui tenait justement un salon qui était un lieu de mécénat musical, artistique important. Donc on a à la fois une distance vis-à-vis de Paris, c'est pas la vie urbaine, donc les élites y trouvent le calme, la nature, cette impression d'être dans une campagne, comme on disait à l'époque, et en même temps la proximité et l'intégration au réseau de la sociabilité parisienne. Les eaux minérales de Passy sont classées parmi les eaux ferrugineuses froides. Elles contiennent du fer, de la magnésie, de la sélénite, un peu d'alun, un peu d'air fixe. Nous voici toujours dans le quartier de Passy, avec vous Maurice Garden et avec vous Jean-Luc Pinol, dans la rue des Eaux. Alors cette rue des Eaux, elle a une importance pour ce village de Passy, bien avant le rattachement en 1860 de la commune de Passy à la ville de Paris. C'est quoi cette importance ? Alors en fait, les Eaux de Passy, on en parle à peu près à partir du milieu du XVIIe siècle, et c'est surtout au XVIIIe siècle, à partir des années 1720, que ça va devenir un lieu de villégiature très important. On compare cela à la fin du XIXe siècle, quand on parle des Eaux de Passy, on dit c'était comme Plombières, ou c'était comme Forges-les-Eaux, ou c'était comme Vichy, etc. Donc en fait, il y a plusieurs sources, certaines sont ferrugineuses, et on vient prendre les eaux. Alors on raconte, ça tout le monde le raconte, hein, Jean-Jacques Rousseau y est venu, Franklin y est venu, et puis la bonne société parisienne, c'est une station thermale, il y a un théâtre, il y a une table d'hôtes qui a une excellente réputation, les médecins de Paris sont invités à venir déguster gratuitement. En revanche, ils font de la publicité pour la qualité des eaux. Elles sont claires, limpides, transparentes. Elles sont toniques, fortifiantes, apéritives. Elles activent et facilitent toutes les fonctions, la digestion, la circulation et l'absorption. Le célèbre Franklin, qui a demeuré à Passy, en faisait sa boisson habituelle. Et il en a emporté pour plusieurs années en retournant aux États-Unis. Alors, il y a une autre particularité, c'est qu'on vient ici pour prendre l'air. L'air est meilleur, dit-on, à Passy. Et donc, si on a quelques phtisies, quelques maladies pulmonaires, on vient s'installer ici. Il y a les eaux qui sont de bonne réputation, mais aussi l'air. En fait, ici, on domine la Seine. On domine toute la plaine de Grenelle, qui est en face de nous, et il y a une vue extraordinaire vers le sud. Si les vents dominants sont d'ouest, souvent sur Paris, ces vents ne sont pas chargés de fumée comme l'est de Paris. Plusieurs terrasses bien plantées, exposées au soleil et à l'ombre, servent à la promenade des buveurs, et elles sont disposées de manière à ce que les promeneurs puissent à volonté être seuls ou en compagnie. Un pavillon spacieux sert aux buveurs pour se reposer et lire les journaux. Les Eaux de Passy, 1837. Alors, qui est Franklin quand il arrive dans ce quartier de Passy ? C'est l'ambassadeur des forces qui se liguent contre la Grande-Bretagne et qui demandent l'indépendance des États-Unis ? Voilà, alors Franklin, il arrive à Paris à la fin de l'automne 1776, donc quelques mois après la déclaration d'indépendance des États-Unis, à laquelle il a d'ailleurs, la rédaction de laquelle il a participé, et il est effectivement l'envoyé, en fait, un envoyé diplomatique des jeunes États-Unis d'Amérique. Ambassadeur, c'est compliqué parce que il y a un ambassadeur d'Angleterre à Paris et les États-Unis, ils se sont proclamés indépendants, mais ils ne sont pas reconnus par le Concert des Nations. D'où, sans doute, le choix de Passy qui lui permet d'être très proche de Paris, mais aussi de Versailles, et en même temps, dans une relative distance, et toute la stratégie diplomatique et politique de Franklin va consister, au moins au début, à se faire extrêmement discret pour ne pas choquer les élites monarchiques françaises. Alors, pourquoi Passy ? Bien, il est en fait l'invité d'un personnage très intéressant qui s'appelle Leplé de Chaumont, qui est quelqu'un qui a fait fortune dans le négoce, qui est devenu, qui est pas n'importe qui, il est gouverneur des Invalides, et il a acheté, justement, juste l'année précédente, donc un hôtel particulier qui s'appelle l'hôtel de Valentinois, qui est un très bel hôtel particulier. On a quelques gravures, il n'existe plus malheureusement, il a été détruit au début du XXe siècle, et dans lequel il va inviter et loger Franklin pendant les 9 années que Franklin va passer à Paris. À Passy plus exactement. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Eh bien parce qu'on le sait, c'est un immense admirateur des jeunes États-Unis d'Amérique, un fervent défenseur de la cause américaine. Son fils ensuite va partir s'installer et vivre aux États-Unis. Donc voilà, c'est un geste politique d'accueil de Franklin à Passy. Ici s'élevait un pavillon dépendant de l'hôtel de Valentinois, De 1777 à 1785, Benjamin Franklin l'habita et y fit placer le premier paratonnerre construit en France. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Franklin, quand il arrive à Paris, c'est un homme âgé. Il a 70 ans à peu près, au moment 76, lorsqu'il arrive à Passy. Il est déjà connu. Son arrivée fait déjà sensation. Et par ailleurs, Franklin va réussir à jouer avec une habileté extraordinaire de la construction de son image publique. C'est-à-dire, il va mettre en scène, justement, un personnage en rupture avec les habitudes des diplomates d'ancien régime, poudrés, bien habillés, etc. Et lui, il va construire un personnage d'homme très simple, justement, qui ne porte pas de perruque, donc qui présente toujours avec les cheveux naturels, un peu sur les épaules, habillé très simplement comme un homme de lettres, beaucoup plus que comme un diplomate. Et donc, il joue sur cette idée d'une figure authentique, naturelle, d'homme simple et sage, qui correspond à l'idée qu'à ce moment-là, les Parisiens ont envie d'avoir des États-Unis. Alors, évidemment, il y a eu des portraits, il y a des portraits gravés, il y a des médaillons, parce que Le Play de Chaumont avait aussi une usine dans laquelle il fabriquait des médaillons en terre cuite. Il avait fait venir un Italien qui était spécialisé, donc il a inondé le marché de médaillons de Franklin en terre cuite. Mais donc de la vaisselle, des camées, c'est-à-dire pour les gens les plus riches, pouvaient avoir des petites bagues avec le portrait de Franklin. Enfin, il y a toute une sorte de série, on dirait aujourd'hui, de produits dérivés de la célébrité de Franklin, avec aussi un portrait qui était célèbre où il a un petit chapeau de fourrure sur la tête, un peu comme Rousseau justement avait été représenté. Eh bien, cette image devient une image connue, populaire. Alors, il s'en étonne ou il s'en plaint, mais en réalité, c'est un homme de l'imprimé. C'est un homme qui a une très grande sensibilité au phénomène médiatique nouveau du XVIIIe siècle, et il en joue énormément pour rendre populaire la cause américaine. Neuf rue Basse de Lesser-Édouard. Au 13 de Lesser-Benjamin. De Lesser-François, propriétaire, raffinerie de sucre au 16 quai de Passy et banquier à Paris, 174 rue Montmartre. Au numéro 14, Courageot, employé de la préfecture de police. La raffinerie de sucre de Lesser, elle est là. Jean-Luc Pinol. À proximité immédiate. C'est d'ailleurs là que Napoléon va venir remettre à de Lesser sa Légion d'honneur, parce que bon, ça lui permet d'ailleurs de lutter contre le blocus continental en produisant du sucre directement dans Paris. Oui, parce qu'il faut rappeler que de Lesser, ce bourgeois à la fois lyonnais et suisse, protestant, arrivé ici à la fin du XVIIIe siècle, est celui qui a synthétisé la possibilité de faire du sucre à partir de la betterave, un sucre qui serait proprement français métropolitain, qui n'aurait pas besoin des îles pour pouvoir continuer à fabriquer du sucre, en l'occurrence. Oui, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Ils sont les héritiers du domaine des eaux de Passy, et toute la famille va s'installer, va construire de belles résidences qui dominent justement toute la Seine. Là, on est vraiment à l'extérieur du mur des fermiers généraux. Le mur des fermiers généraux passe au niveau du champ de Mars, où est la tour Eiffel aujourd'hui, et au niveau du Trocadéro, qui n'est pas encore construit. On est quand même vraiment à l'extérieur. Et d'ailleurs, quand on veut échapper parfois à des créanciers parisiens, c'est le cas de Balzac, eh ben, on vient s'installer dans ce qui s'appelle la rue Basse, qui est aujourd'hui la rue Raynouard, avec une densité de bâti beaucoup moins importante. Et en particulier ici, alors c'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisque tout a été loti juste avant ou juste après la Première Guerre mondiale, mais pendant très longtemps, c'était de grandes propriétés avec des grands parcs qui sont encore très présents avant la Première Guerre mondiale. Les enfants de Lesser se sont partagés la succession, et l'un d'entre eux, un gendre, s'appelle Bartholdi, c'est lui qui a construit la Statue de la Liberté de New York, et l'autre s'appelait Laborde, je crois, et ils étaient propriétaires de toutes les maisons du bord de la rue Raynouard, du début de la rue Raynouard. C'est eux qui ont fait construire sur les parcelles laissées par papa. Oui, alors Benjamin de Lesser avait d'abord récupéré le territoire des du couvent des Bonshommes pour y faire une des premières filatures installées en France. Et puis, dès 1801, en fait, il convertit l'établissement en une raffinerie de sucre. Florence Bourillon. Il a un petit côté aussi ingénieur, un peu technicien, scientifique, et lui-même met la main à la pâte pour développer cette technique de raffinerie du sucre à partir de la betterave. D'autant qu'il devait y avoir un abattoir pas très loin, puisque en fait, le problème de fond, c'est qu'il faut non seulement avoir de l'eau, il faut avoir la betterave, mais il faut avoir le noir animal pour pouvoir filtrer en fait, les mélasses et obtenir un sucre blanc. Alors justement, il est difficile de comprendre comment, à quelques encablures du centre de Paris, puisqu'on est à moins de 3 km de la place de la Concorde, bien moins même, on peut avoir à la fois un village où on vient prendre l'air et prendre l'eau, puisqu'il y a des eaux ferrugineuses en particulier à Passy, et de l'autre côté, devenir un grand lieu industriel. Alors il y a deux explications. La première, c'est que le lieu de villégiature n'a rien de surprenant. On est vraiment situé vers l'ouest, et en particulier la rue Raynouard, plus particulièrement, qui est légèrement en dessous, qui est d'ailleurs la rue basse de Passy, est véritablement un lieu où se bâtissent des maisons très tôt. Hein, dès le cadastre qui est établi à peu près dans les années 1820, on les voit. Mais quant au lieu industriel, l'industrie n'est pas, au début du 19e siècle, considérée comme étant quelque chose... d'impossible à supporter. Et donc, il y a une sorte de cohabitation entre un espace industriel et un espace de villégiature qui reste constant et qui va durer très longtemps au cours du 19e siècle. Et puis, la deuxième raison, qui est tout à fait valable, c'est qu'on est au-delà des limites de l'octroi, de façon très, très proche, hein, puisque l'octroi, il passe à peu près au Trocadéro, c'est-à-dire le long de la rue Beethoven. Hein, donc, il y avait la barrière des Bonshommes qui était là, et puis au niveau du Trocadéro, c'était la barrière Sainte-Marie. Et donc, on est au-delà d'octroi, donc on ne paye pas un certain nombre de droits, ce qui attire obligatoirement la grande industrie. Lettre de Balzac à Madame Anska, Passy, le 3 avril 1845. Dans 6 à 8 ans d'ici, les 700 toises réservées vaudront 3 ou 400 000 francs. Monceau sera alors la même chose que le quartier Notre-Dame de Lorette. C'est forcé, d'après la marche du Paris actuel. Ceci, chère comtesse, n'est pas à spéculer, comme vous dites. C'est placer. Ne confondons point. C'est jeter une somme dans un endroit où elle se trouve décuplée. D'ailleurs, c'est jouer le jeu du roi Louis-Philippe et de Monsieur d'Aligre, les deux plus habiles spéculateurs de France et de Navarre. Le roi n'a vendu à plomb ses 23 arpents que pour en mettre 25 autres en valeur. Et il l'a dit lui-même. Éric Hazan, nous voici en contrebas de la rue Raynouard, que nous explorons de bout en bout pour ce documentaire. Nous sommes rue Berton, qui s'appelait autrefois rue du Roc et qui descendait sur la Seine depuis la rue Raynouard, depuis ce qu'on appelait à l'époque la rue Basse. Et c'est là que vint s'installer pendant 7 ans, c'est cela ? 7 ans. Balzac, dans ce qui est devenu depuis la maison de Balzac et qui est peut-être une des dernières survivances du Paris du 19e siècle, dans ce quartier-là en tous les cas. Oui, oui. Et en tout cas, c'est certainement le seul endroit du Paris de Balzac qui soit intact. Tout le reste du Paris de Balzac soit démoli, soit dénaturé, parce que bon, le faubourg Saint-Germain, qui fait partie de la comédie humaine de façon très importante, il n'est pas démoli, les grands hôtels sont toujours là, mais ce ne sont plus de Marseille ou la duchesse de Maufrigneuse, ce sont des ministres, des secrétaires d'État, c'est pas pareil. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire cette rue Berton qui descend donc en pente douce depuis la colline de Passy jusqu'à la Seine, qui est une rue pavée ? Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette rue telle qu'on la voit aujourd'hui, Éric Hazan ? Eh bien, elle a gardé les bornes qui protégeaient les murs des maisons du passage des charrettes. Elle a gardé son pavage, peut-être pas d'origine, mais qui est très bien refait. Elle a des lampadaires qui sont, au fond, plus ou moins d'époque. Parce que le gaz fait son apparition au moment de l'arrivée de Balzac à Paris, quoi, dans les années... 1817-1820. Voilà, c'est ça. Le gaz apparaît à ce moment-là. Et il se généralise tout doucement en partant des beaux quartiers. Et alors ici, est-ce que c'était un beau quartier? Pas tellement. Donc il est bien possible que le gaz ne soit pas arrivé jusqu'à cette rue du vivant de Balzac. Et puis, ces petites maisons qui sont des maisons de un ou deux étages qui rappellent plus des maisons de village que d'une maison de ville. Tout à fait. Et Passy n'était pas encore la grande résidence bourgeoise catholique qu'elle est devenue dans la deuxième partie du siècle. Qu'est-ce qui explique qu'un homme comme Balzac, qui décrit avec autant de plaisir les nouveaux quartiers que sont la Nouvelle Athènes, la place Saint-Georges, la chaussée d'Antin, mais aussi les Champs-Élysées, et surtout qui décrit avec beaucoup de plaisir ce qu'est une rue parisienne, qu'est-ce qui explique qu'il vienne se réfugier dans un village à quelques encablures de Paris, mais à la sortie de Paris, en l'occurrence, Éric Cazan? Je crois que se réfugier, c'est le mot juste. Il avait quitté les Jardis à Sèvres. Il avait acheté une maison, fait faire plein de travaux. Et puis, les huissiers étaient arrivés. Parce que toute sa vie, il a été ruiné, endetté à mort. Donc, il a trouvé refuge ici, dans un endroit vraiment très reculé, quoi. Ce petit village, là, il fallait vraiment le trouver, quoi. Je pense que c'est ça qui lui a plu dans cet endroit, c'est paumé. C'était paumé comme endroit. Française présente une émission d'Emmanuel Bondeville, Vérité et Chimère. 1841-1847, quand Balzac habitait Passy. Avec le concours de M. André Bicky de l'Académie Goncourt, de M. Pierre-Emmanuel. 47 rue Raynouard. Un mur surmonté d'une grille ne permet d'apercevoir que quelques arbres. Un escalier descend vers une maison sans étage. L'entrée est protégée par une véranda. Dès le vestibule, Balzac nous accueille. Il s'adresse à Madame Anska fin 1840. À compter du moment où vous recevrez cette lettre, écrivez-moi à l'adresse suivante, Monsieur de Brugnol, rue Basse, numéro 19 à Passy, près Paris. Je suis là, caché, pour quelque temps. Yves Gagneux, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur du patrimoine et directeur de la maison de Balzac, rue Raynouard à Paris, dans le quartier de Passy. Et vous nous accueillez avec Éric Cazan qui est avec nous et avec lequel on a fait déjà le tour de cette maison de Balzac. Cette maison de Balzac, elle est située en contrebas de la rue Raynouard. Vous pouvez nous la décrire très brièvement parce qu'elle ne correspond pas à l'urbanisme de tout ce que nous avons autour de nous. Non, en réalité, il s'agit d'une maison qui se situe à flanc de coteau. Donc on descend sur quelques mètres pour arriver en haut d'une maison de trois niveaux qui elle-même surplombe la rue Berton, qui est une des plus jolies rues de Paris, un peu plus bas. Donc quand on la voit, en effet, on se dit que ça n'a pas grand-chose à voir avec cet urbanisme néo-haussmannien que l'on trouve dans tout le quartier. Et nous sommes en face d'une folie du XVIIIe siècle, la dépendance d'un hôtel particulier. L'hôtel particulier était rasé entre-temps, mais c'est une dépendance du XVIIIe siècle dans laquelle les gens passaient leurs vacances. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, Paris en été est absolument invivable, il n'y a pas d'égout. Donc ça devient pestilentiel à tout point de vue, ce qui fait que les personnes qui ont de l'argent quittent Paris dès les beaux jours pour partir dans leur propriété en province. Si vous êtes un riche financier, vous n'avez pas de famille, donc vous n'avez pas la chance d'avoir un château dans le Limousin, dans le Perche ou dans le Berry. Et donc qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous construisez une demeure importante, un bel hôtel, mais si possible pas trop loin de Paris, parce que faire 400 km en diligence, c'est quand même assez compliqué. Donc vous allez vous faire construire quelque chose dans un de ces petits villages qui entourent Paris et qui sont vraiment des villages. Passy, au XVIIIe siècle, vous avez de la vigne, vous avez de la culture maraîchère, on alimente Paris, vous avez encore aussi quelques exploitations de moellons pour les constructions, et c'est tout. Et il faut après traverser la campagne pour rejoindre les murailles de Paris. Ces trois pièces donnent sur un petit jardin prévu sans doute pour que tous les types de la comédie humaine y fassent sans danger leur confidence. Et Balzac s'adresse encore à Madame Anska. Travailler, c'est me lever tous les soirs à minuit, écrire jusqu'à 8 heures, déjeuner en un quart d'heure, travailler jusqu'à 5 heures, me coucher et recommencer le lendemain. Alors, on peut se poser une question, c'est quelqu'un qui aimait autant sortir, qui aimait autant faire la fête, qui aimait autant aller au restaurant pendant 6 heures avec ses amis. Que vient-il faire dans cette petite maison perdue de Passy et comment peut-il concilier cet amour de la vie parisienne, qu'il décrit si bien dans ses livres, mais aussi qu'il a vécu personnellement, avec cette retraite obligatoire pour quitter la pression des créanciers? Eh bien, il bouge. D'accord, il ne prend pas le train, ni les transports en commun d'ailleurs, mais il marche énormément dans Paris. Éric Cazan. Balzac est un homme qui traverse Paris sans hésiter. Ça ne lui fait pas peur d'aller d'ici à ce qui est aujourd'hui la place des Vosges, qui était à l'époque la place Royale. Ça ne lui fait pas peur d'aller voir Victor Hugo là-bas et pour aller ensuite dîner au Rocher de Cancale, rue de Montorgueil. C'est un type qui marchait énormément. D'ailleurs, quand il fait l'éloge de la flânerie, hein, il dit « se promener, c'est végéter, flâner, c'est vivre ». Mais en fait, du temps pour flâner, il n'en avait pas. Mais en marchant, chemin faisant, il voit un détail, il voit une porte, il voit un nom, une boutique, et il a, Balzac, une mémoire photographique. Il y a des témoignages qui montrent qu'il est passé à Issoudun, il a vu ça, et 20 ans plus tard, il en parle, sans y être retourné. Et la rue caractérise les personnages de la communauté humaine autant que leur démarche, que leur visage, que leurs vêtements. L'endroit où ils habitent, ça fait partie d'eux-mêmes. Quoi. Quand on dit le cousin Ponce, il habite rue de Normandie, eh ben c'est cette rue avec un ruisseau central où roule la boue parisienne. C'est une rue typique du Marais de l'époque et elle est consubstantielle du cousin Ponce comme sa redingote marron, son chapeau. C'est vraiment les personnages de la commune humaine sont caractérisés par là où ils habitent. Et inversement, Les quartiers sont eux-mêmes définis par leur population. Ils sont très rarement décrits. Balzac ne décrit pas beaucoup l'architecture. Il décrit les gens qui l'habitent. Lettre de Balzac à sa sœur, Madame Laure de Surville, 9 février 1849. Je vous conseille de battre les alentours de Passy, du côté de l'Étoile, les Ternes, Chaillot. Vous trouverez à bon marché un appartement aussi considérable que le vôtre. Avec cela, si vous le voulez, vous pouvez réduire toutes les dépenses. À la place de Surville, je prendrai une seule chambre dans un quartier central, où je mettrai mon bureau pour mes affaires. Vous passeriez ainsi la crise. Tu sais quels moyens j'employais pour vivre à bon marché. Je ne faisais la cuisine que 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, et je mangeais la viande froide dans de la salade. En me contentant du strict nécessaire à Passy, je pouvais restreindre toutes les dépenses à 1 franc par tête. Je recommencerai cela très bien sans sourciller. Au milieu du 19e siècle, les 12 arrondissements de Paris se sentent à l'étroit dans les vieux murs des fermiers généraux de l'Octroi qui surveillent hommes et marchandises entrant et sortant de la capitale. Certes, en 1845, on a achevé plus au large les fortifications supposées protéger Paris et dont la construction fut coordonnée par le président du Conseil de l'époque, Adolphe Thiers. Mais vivre entre deux murs, fiscaux et militaires, n'est-ce pas trop difficile pour un village comme Passy? Ne vaut-il pas mieux devenir définitivement parisien? Florence Bourillon. Jusqu'en 1856, tout le monde s'oppose à l'idée d'annexion. Et il y a d'ailleurs une commission qui s'appelle la commission des circonscriptions administratives, dans laquelle sont représentés des membres du conseil municipal, des gens qui sont tout à fait importants à l'échelle de Paris, des représentants des communes. Et plusieurs propositions sont faites par Haussmann et il refuse toute forme d'annexion, quelle qu'elle soit. Il reste que le président de cette commission, qui s'appelle Delangle, devient par la suite ministre de l'Intérieur et c'est lui qui va proposer le rattachement des communes en 1859 pour 1860. Donc l'opinion va très très rapidement fonctionner. C'est un des points tout à fait intéressants de ce rattachement. C'est la rapidité de l'ensemble des opérations, puisque entre le décret qui propose la marche à suivre pour prévoir l'annexion et le moment où la loi est prise, il y a à peine 6 mois. Donc un temps très court pendant lequel il y aura les enquêtes, les rencontres, les discussions et peu de choix laissés aux communes en question. Les sous-signés, maîtres et maîtresses de pension de la commune de Passy, exposent que par suite de l'annexion à la ville de Paris, l'existence de leurs institutions va être profondément modifiée. En effet, les pensions de banlieue reçoivent les enfants d'un grand nombre de commerçants, d'employés, de fonctionnaires du gouvernement, auxquels il ne serait pas possible de faire subir une augmentation de prix en rapport avec l'augmentation qui va peser sur la plupart des denrées. En outre, nos maisons offrent des conditions d'espace, d'hygiène et de salubrité qu'on ne rencontre pas toujours dans l'intérieur des grandes villes. Les constructions qui ne manquent pas de s'agglomérer sur les terrains du Nouveau Paris ferait donc perdre à nos établissements un de leurs principaux avantages. En conséquence, les sous-signés demandent à être déchargés de tout droit nouveau pendant une période de 5 années sur les boissons, les huiles et les combustibles. Passy, le 23 février 1859. Florence Bourillon, qu'est-ce qu'une commune indépendante de Paris, aux portes de Paris, avant le rattachement de cette commune comme Passy en 1860 à la ville elle-même? C'est une municipalité avec donc un maire, avec un conseil municipal. Et d'ailleurs, au terme de la loi de 1831, les conseils municipaux sont élus. Donc c'est aussi un organisme. Alors le maire est nommé, hein, mais le conseil est élu. Donc c'est aussi un organisme qui permet véritablement une forme d'appropriation de l'urbanité aux gens qui habitent véritablement les communes. Passy a la particularité d'avoir toute la commune qui est intégrée, ce qui fait quand même un très gros changement. Hein. C'est la même chose que Belleville. Par exemple, à Belleville, très clairement, le conseil municipal met tous ses espoirs dans l'annexion, en particulier pour avoir des équipements qui seraient équivalents à ceux d'autres communes. Belleville est une très grande ville, hein, puisqu'il y a 50 000 habitants. J'appelle de mes voeux l'extension de Paris jusqu'aux fortifications dans le plus bref délai possible. Signé Maire Milliot. Ma maison n'étant alimentée que par le mouvement de la barrière et des messagers, la mesure est ruineuse pour moi. Signé Jean Joie. Je suis entièrement adhérent au nouveau projet qui, sous tous les rapports, mettra Passy sous la surveillance et la protection de l'autorité. Signé Pelletan. À Passy, le 14 février 1859. Les véritables ruptures avaient eu lieu beaucoup plus tôt dans le siècle, au moment de la construction des fortifications, puisque ce sont les fortifications en fait qui ont souvent coupé en deux les communes. Et quand les Parisiens sortent de Paris, ils passent deux fois les portes grillagées avec des gens qui les surveillent. La première fois pour sont les gabelous, hein, enfin les pour l'octroi, et la deuxième fois effectivement ce sont les militaires. Donc, en 1860, ça fait déjà 20 ans que ça existe. Hein, et depuis 20 ans, Passy est déjà intégré à l'intérieur des fortifications. Donc, le rattachement vers Paris est quelque chose qui est tout à fait admis. J'ai regardé les dires au moment de l'enquête publique, puisqu'il y a une enquête publique dans toutes les mairies. Et les dires qui concernent les habitants de Passy sont plutôt positifs. Alors, ils se plaignent des questions de numérotation, puisque au départ, l'escargot ne tournait pas dans le même sens qu'aujourd'hui. Et donc, ils trouvent qu'il vaut mieux être le 16e que le 13e ou le 20e. Enfin, mais en soi, il n'y a aucune protestation sur l'idée même de rejoindre la ville. Normalement, le 13e arrondissement, c'était ici. Jean-Luc Pinol. Dans la première numérotation qui avait été prévue par les services d'Haussmann, le 13e arrondissement était ici. Et en fait, ça n'a pas du tout plu à un ancien maire, Jean-Frédéric Posseau, qui a été maire dans les années 1840 jusqu'en 1848 et qui avait pas mal d'influence, y compris après son départ de la mairie. Et à l'époque, on considérait que 13e, c'était un très mauvais chiffre parce que Paris, d'avant l'annexion, avait uniquement 12 arrondissements. Donc, se marier dans le 13e, ça voulait dire vivre en concubinage. Et ça, ça ne convenait pas à... La bourgeoisie du 16e. Et Jean-Frédéric Posseau, négociant, propriétaire, va intervenir auprès des services et va faire changer la numérotation et va inventer ce qui nous semble aujourd'hui naturel, c'est-à-dire la numérotation en spirale. Et le 13e est devenu le 16e. Au numéro 17, Basile B., professeur. Benoît, directeur d'éducation de famille, cours complet pour les enfants de 7 à 12 ans. Au numéro 18, Delimérac, homme de lettres. Pasturin, propriétaire. Au numéro 20, Bélian, abbé. Courtois, abbé. Locatelli, curé de Passy. Pendant des siècles, à Passy, il y avait une grande rue qui s'appelait la rue de Paris, qui est devenue aujourd'hui la rue de Passy, et une autre rue qui était donc juste à côté, qui s'appelait la rue Basse. Il va falloir, après l'annexion de la ville de Passy à Paris, il va falloir trouver des nouveaux noms pour ces rues. Comment ça va se passer, Florence Bourillon ? Eh bien, c'est la commission Mériot qui va se charger, dans une vision assez surplombante à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération, de revoir tous les noms de toutes les rues de tout Paris, c'est-à-dire Paris-Centre, mais aussi toutes les communes qui étaient donc dans les ce qu'on peut appeler les territoires annexés, et qui avaient à elles toutes 36 fois le même nom, c'est-à-dire des noms de bataille. Il y avait 17 rues Notre-Dame, enfin bon. Et l'idée, c'est quelquefois de regrouper. Dans l'Ouest, on va mettre les noms d'artistes. Momentanément, la rue Basse de Passy va s'appeler la rue Michel-Ange. Ensuite, très vite, hein, puisque le premier décret qui date de 67, prévoit déjà qu'elle, 1867, prévoit déjà qu'elle s'appelle Raynouard. Raynouard est mort à Passy et il y a eu sans doute une pression des habitants pour que la rue porte le nom de ce dramaturge, homme de lettres de la ville de Passy. Mais c'est un cas assez exceptionnel, puisque globalement, dans les communes annexées, la commission Mériot, puis toute l'administration haussmannienne, ne va pas du tout chercher à donner le nom de personnages locaux. Nous sommes au coin de l'avenue Alphonse XIII, avec des grands immeubles qui nous surplombent, des immeubles de pierre de taille, de très belles factures, qui ne disent peut-être pas grand-chose de ce qu'était Passy avant leur attachement à Paris, en particulier le Passy du 18e ou du début du 19e siècle, Maurice Garden. Tout à fait, oui. La rue Alphonse XIII, la rue d'à côté qui s'appelle la rue Lyautey, ou l'avenue Lyautey, ce sont des rues qui ont été beaucoup plus tardives que leur attachement de Passy, et qui sont en effet des constructions neuves, des logements, souvent des copropriétés, mais pas toujours. Oui, ce sont des avenues qui sont perpendiculaires à la rue Raynouard, qui rejoignent pour certaines la rue de Passy et qui font la liaison, pourrait-on dire, Jean-Luc Pinol, entre ces deux rues qui sont assez opposées, telles que vous les décrivez dans vos travaux, assez opposées l'une à l'autre. Une qui est une rue d'habitation et de logement, l'autre, la rue de Passy, qui est plutôt une rue de commerce, issue justement de cette ville en expansion du 19e siècle. Oui, alors en particulier rue de Passy, également rue de l'Annonciation, il y a énormément de commerce et énormément de commerce alimentaire, très important. On n'est pas forcément rue de Passy dans un très haut niveau social, mais on n'est pas non plus dans un quartier populaire. Ça se voit très nettement dans le moindre nombre des débitants de vin. Parce que dans les quartiers très populaires, il y a quasiment, avant 14, un débit de vin tous les trois numéros. Ah. Ici, il y en a beaucoup moins. Mais en revanche, on a beaucoup plus de bouchers, on a beaucoup plus de marchands de légumes, de marchands de fruits, etc. Dès avant 14. Ça, c'est très important. Au numéro 28, Devin, inspecteur conservateur des diamants de la couronne de France. Gaboreau, lieutenant de la garde nationale. Alors ça, cette signature bourgeoise de Paris avant la Première Guerre mondiale, vous la traquez, Jean-Luc Pinol, pour le quartier de Passy, en regardant le nombre de bureaux de placement, de domestiques, le nombre de blanchisseries, de linge fin, etc. etc. Oui, on trouve même avant 14 une salle de gymnastique suédoise. On a aussi des professeurs de maintien. On a également des professeurs de diction. D'escrime. Et en même temps, sur la rue Rénoire, juste après la séparation de l'Église et de l'État, il y a toute une série de professeurs privés, mais aussi d'écoles privées. Il y a une association qui s'est montée, qui a repris, qui va donner aujourd'hui le lycée de Passy, c'est l'association des pères de famille. Et ce sont eux qui vont organiser l'éducation dans ce petit monde à part. Dans un annuaire du 16e arrondissement, que retrouvez sur l'excellent site Gallica de la Bibliothèque nationale de France, nous sommes sur la paroisse Notre-Dame-de-Grâce de Passy, et on trouve dans cet annuaire la liste de toutes les associations cultuelles liées à cette paroisse. L'archiconfrérie du cœur eucharistique de Jésus, l'association des mères chrétiennes, l'association des enfants de Marie, le tiers ordre de Saint-François d'Assise, la ligue de l'évangile, les œuvres pour les jeunes gens, la société des enfants de Passy, l'école paroissiale primaire de garçons pour les jeunes filles, le patronage des filles de la charité, l'école paroissiale primaire de filles, pour les colonies de vacances, des colonies à Berque-Plage, à Moitron, à Saint-Léonard-des-Bois dans la Sarthe et les jeunes gens de la Société des Enfants de Passy, des œuvres charitables, la Grande Conférence de Saint-Vincent-de-Paul, les Dames de Charité, la Bibliothèque paroissiale, les Oblates missionnaires de l'Assomption, la section de la Mutualité maternelle pour les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, la garderie, la cantine, l'orphelinat, les ateliers, etc., etc. Ce qui prouve qu'il y a une sorte, on appellerait cela aujourd'hui un encadrement. Un maillage. Un maillage de la population par le catholicisme. Tout à fait, tout à fait. Et même après la séparation de l'Église et de l'État, parce que justement, après la séparation, un certain nombre d'associations se constituent pour remplacer les prêtres ou les moines ou les sœurs. Oisguin, qui était longtemps maire du 16e, était en même temps recteur de Saint-Jean-de-Passy. Alors comment peut-on passer, Florence Bourillon, d'un village à un morceau de ville? C'est une des questions qu'on veut se poser à propos de cette rue Rénoire qui traverse quasiment toute cette partie, l'ancienne rue basse de Passy. Qui sont les acteurs de cette transformation urbaine, Florence Bourillon? Les acteurs sont multiples. Je pense qu'on ne peut pas uniquement évoquer le cas de la pression qui est celle de la préfecture, bien que bien évidemment elle existe. Pour ce qui est de la construction et des immeubles, bien évidemment c'est un appel au capital privé qui est fait successivement et qui se fait sur une période très longue. En fait, la rue Rénoir, Passy, même la rue Franklin, enfin tout cet ensemble de Passy qui est relativement proche de la limite de Paris, va véritablement s'urbaniser très lentement et très progressivement. Donc c'est plutôt jusqu'au début du XXe siècle, très largement. L'haussmannisme a, c'est vrai, beaucoup unifié, mais d'une rue comme la rue Rénoir, elle est faite par... Alors c'est vrai que c'est les mêmes acteurs que sous Haussmann, c'est des investisseurs. Simon Texier. Des lotisseurs privés, et notamment tout le bas du parc de Passy qui se raccroche à la rue Rénoir, ce sont des lotissements privés, avec des immeubles de plus ou moins grand luxe, mais là il y avait un désir très clair, je pense, d'embourgeoiser le quartier, de consolider la vocation bourgeoise du quartier. Il y avait notamment des immeubles qui sont très particuliers puisqu'ils sont accrochés sur la rue Rénoir et il y a quelques niveaux qui sont au niveau quasiment du quai. Et là, on y met des chambres de bonne, des locaux pour les mâles. Donc ça veut bien dire que ce sont des gens qui ont à la fois du personnel, qui voyagent. Il y a peu de sites sur lesquels on ait autant de latitude pour s'étaler, pour déployer un type d'appartement de grand standing et avec tous ces éléments de dessert, de garage, de chambres de bonne qui, alors ça c'est assez amusant, ce sont des chambres de bonne qui sont mises en contrebas et non pas au sommet des immeubles. Et ça c'est quelque chose qui va revenir, qui va se poursuivre dans les années 50. On va grouper caves, greniers et chambres de bonne souvent dans les entresols. Et donc laisser les étages supérieurs, ceux qui sont dans le ciel et qui ont la plus belle vue, évidemment, aux propriétaires qui, eux, vont pouvoir en bénéficier. Voilà, parce qu'en effet, rue Raynouard, la chambre de Bonne, c'est celle qui aurait la plus belle vue, donc ça n'est pas possible. Au 31, Madame la Baronne Blondeau, propriétaire. Au 33, Mademoiselle Elrault, blanchisseuse. Au 34, Pouille, professeur de musique. Au 35, Jourdan, épicier, vin, traiteur. Au 36, Lefèvre, entreprise de menuiserie. Et le marché fonctionne très bien. D'ailleurs, vous avez une expression qui est celle de Bernard Rouleau et qui évoque pour l'Ouest parisien à partir sous la période de la Troisième République, enfin la fin du siècle, il dit c'est la conquête de l'Ouest. Hein, il y a véritablement une foule d'investisseurs qui investissent sur l'Ouest parisien, qui véritablement s'intéresse toute la zone des Champs-Élysées, y compris d'ailleurs jusqu'à la zone de Passy. Et en réalité, on finit par construire trop d'immeubles bourgeois. Qui sont souvent vides, puisque leurs loyers sont trop importants. Et moyennant quoi, il faut attendre un certain temps pour qu'ils soient véritablement occupés. Ce qui fait d'ailleurs que le logement bourgeois de la fin du 19e siècle est assez intéressant. Et les bourgeois changent beaucoup d'endroit, puisqu'en fait, ils peuvent trouver des logements souvent encore mieux que ceux qu'ils ont déjà et le payer encore moins cher. Donc il y a toute une espèce de... c'est une période de crise comme on en a connu largement au XXe siècle et en particulier au moment du logement des... Enfin, de la construction des bureaux qui étaient en beaucoup trop grand nombre. C'est la même question se pose à la fin du XIXe avec les logements. Au 46, frère Libanos, supérieur de l'école des frères. Au 47, Hamon, propriétaire. Au 49, de Renaucourt, propriétaire de l'école de natation pour hommes. La rue Marcel Proust, la rue du Parc de Passy, la rue René Boilève, ça ce sont vraiment des opérations immobilières très, très rentables avec des cahiers des charges où la ville de Paris intervient certes, mais des lotisseurs qui sont là pour rentabiliser. Et l'opération, il se trouve que l'opération s'est terminée finalement très tard dans les années 2000, puisqu'on a totalement achevé de construire autour du parc de Passy, de l'ancien parc de Passy, uniquement dans les années 2000. Et cela, c'est une question qu'on pose à l'historien de l'architecture que vous êtes, Simon Texier, c'est qui fait la ville entre lotisseur et urbanisme public. Et on peut se dire que dans ce coin-là, quand on le regarde, ce quartier de Passy et plus particulièrement cette rue Raynouard, eh bien c'est surtout du privé qui fait la ville en l'occurrence. Globalement, c'est le privé qui fait la ville où qu'on soit dans le 9e arrondissement, dans le 16e. La ville de Paris est là pour donner un cadre réglementaire. Les architectes voyés disent oui ou non, amendent certains projets. Mais l'histoire montre que depuis le XVIIe siècle au moins, c'est l'argent privé qui fait la ville. Et l'haussmannisme s'est nourri de cet argent privé, a investi, mais surtout a emprunté à des banquiers. Et la notion de lotissement est intégralement, enfin historiquement, la notion de lotissement est une notion d'investissement privé, avec des architectes spéculateurs, ça on en connaît depuis le XVIIIe. Au XXe, il y a moins d'architectes spéculateurs, mais ils sont tenus tous de rentrer dans ce cadre qui est fixé plutôt par la dimension privée. Dans les années 1960, on a pensé que les pouvoirs publics pouvaient réellement rénover Paris, notamment dans les quartiers périphériques, rénover de manière publique. Mais très vite, on s'est aperçu qu'il fallait à la fois faire avec les propriétaires du foncier, mais également faire avec des investisseurs qui soit en mesure de réaliser ces constructions. Donc l'idée d'une ville qui serait programmée, façonnée par les pouvoirs publics, ça c'est totalement illusoire. On peut faire des plans, mais ces plans, ensuite, pour les mettre à exécution, le plus facile est quand même d'intégrer des intérêts privés. Au 50, Baron de Girès de l'Arénie, propriétaire, président du conseil de fabrique. Frontière d'une ville et Passy rejoint Paris, un documentaire d'Emmanuel Laurentin et Anne Fleury. Au 52, Ricard Père, vin, traiteur, logement. Avec Jean-Luc Pinol, Maurice Garden, Antoine Lilti, Florence Bourillon, Éric Azan, Yves Gagneux, Simon Texier. ou 56, Madame Faber, fruiterie, mercerie. Joubert, charcutier. 58, Claire, menuisier, ébéniste. Mi, cordonnier. Lecture, Hervé Claudilin. Prise de son, Sandrine Malon, Stéphane Desmond. Mixage, Éric Boisset. Il y a une description, il décrit la ville en général, mais Paris est évidemment la ville par excellence au moment de Balzac, comme un vaste champ incessamment remué par une tempête d'intérêt, Éric Hazan. Tout compte fait, d'ici, il peut voir ou imaginer cette tempête d'intérêt, ces volontés multiples qui se croisent sans arrêt et qui sont là justement pour être intéressés à l'amour, intéressés aux relations, l'or intéressés à l'argent. L'or et le plaisir. C'est ce mantra qui revient à plusieurs reprises dans le formidable prologue de La fille aux yeux d'or. Hein. L'or et le plaisir. C'est... Les intérêts qu'il décrit sont vraiment regroupés autour de ces deux notions. Et il est extrêmement... Là, il est réaliste. Là... Sur l'or et sur le plaisir, on peut dire que là-dessus, il est d'un réalisme extraordinaire. Demain, nous continuons notre série consacrée à l'histoire des frontières dans la fabrique de l'histoire et nous nous intéresserons à l'histoire des langues en Europe entre 8e et 11e siècle. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.